sérieux. Ils abusent. Il est où? Allô, Supra? Tu fais quoi, LG? Ça fait 2 heures que je t'attends. Attends, je capte mal, là, je passe sous un nuage. Qu'est-ce que tu racontes encore? Non, t'inquiète, le sang, je suis à 2 minutes à vol d'oiseau. Allez, à toute. Ah, voilà. Allez, viens, on y va. Allez. C'est Dieu qui donne, c'est la vida, vida.